Bien, alors j'ai fait un petit résumé des questions parce qu'il y en a énormément et ça nous évitera peut-être les répétitions. Il y a ce qui ressort de toutes ces questions en premier lieu, c'est quatre points. Alors ce serait peut-être le temps de faire un petit résumé de la première partie. Premièrement, qu'est-ce que le vieillissement? Deuxièmement, comment éviter de vieillir prématurément? On y a que la fois, peut-être. Ok, alors qu'est-ce que le vieillissement? OK. Le vieillissement, c'est la dégradation cellulaire. La dégradation cellulaire, elle se produit lorsque l'énergie vitale qui permet la vie, autrement dit, lorsque la vie dans la cellule est épuisée. L'épuisement de la vie dans un corps vivant se fait lorsque la vie est drainée ailleurs, étant donné que rien ne se perd, rien ne se crée à l'échelle de notre planète. Tout se transforme. La vie est puisée dans la cellule, donc à la longue, dans le corps humain, pour être transférée ailleurs. Le vieillissement, c'est cela. Qu'est-ce qui cause le vieillissement? Qui puise la vie? Ou bien c'est la nature qui reprend de l'énergie vitale, laissant le corps donc se défaire? L'énergie vitale, on peut aussi la considérer comme étant l'énergie d'amour qui permet l'attraction entre les atomes et entre les atomes et eux-mêmes. Donc, qui permet la constitution de molécules et à la longue la constitution de cellules au niveau des êtres vivants et de corporalité. La cellule doit s'aimer entre elles pour pouvoir s'agglomérer l'une à l'autre. Et encore là, la vie intervient. La vie, c'est la première forme d'expression matérielle de ce que l'humain appelle l'amour vital. Ce qui draine l'amour, ce qui draine la vie, c'est le plan qui a le plus besoin d'amour. Le plan astral, le plan émotif. Dans le plan astral, on trouve les mémoires, on trouve les désirs et on trouve les émotions. À l'intérieur du plan astral, chez l'homme, ce plan astral qui est paramétré par le périsprit, l'enveloppe de l'âme, se trouve l'ego, le noyau, le centre de l'âme, dans lequel va germer l'identification de l'ego, de la mémoire, de la personnalité. Celui-ci a besoin d'énergie pour vivre. L'énergie qu'il va aller chercher de l'énergie vitale de la vie. Et à ce niveau, elle porte encore le nom d'amour. Donc, l'ego pour vivre a besoin d'amour. Cet amour, il va la chercher. Il va la chercher soit dans la vie des autres, donc en épuisant les autres. Il la recherche l'amour. Et lorsqu'il a l'impression de donner de l'amour, en réalité, il puise encore de l'amour. L'être humain qui a besoin de donner de l'amour est un être humain qui manque d'amour. Il est malheureux. Il souffre de manque d'amour. Et dans l'action qu'il porte, selon les mécanismes anti-culpabilité chez lui, il aura l'impression dans sa conscience psychologique qu'il donne de l'amour, mais en réalité, il est aussi une sangsue d'énergie. Il tête de l'énergie, il prend de l'amour. Lorsque l'être humain ne peut pas prendre suffisamment d'amour à l'extérieur, il la prend dans son propre corps. Il veut vivre, il ne veut pas mourir. Et il va puiser la vie dans le corps vital qui maintient la gestion du corps physique. Alors il tête de l'amour, donc il suctionne, il vampirise son corps vital pour pouvoir se nourrir lui en tant qu'ego, en tant qu'humain évolutif. Automatiquement, le corps physique vieillit et ça n'a rien à voir avec la mort. Il est bien évident que si l'on puise totalement l'énergie vitale d'un corps physique, on le tue. Lorsque je dis qu'on ne vieillit pas et qu'on ne meurt pas de vieillesse, je parle évidemment d'un processus normal tel que celui que l'on retrouve à l'échelle de notre planète. Je ne parle pas d'un processus de vampirisation par possession, par manipulation, par sort, ou etc. Je parle du processus normal de la vieillesse. Comment éviter de vieillir prématurément? On ne vieillit jamais prématurément. On vieillit ou on ne vieillit pas. Si l'homme évolue normalement, il va vieillir. Si l'homme évolue naturellement, il ne vieillit pas. Donc, il ne peut pas vieillir prématurément. Vieillir prématurément fait partie de la conceptualisation de l'ego, conceptualisation qu'il a de la vie. Donc, il va se dire, c'est normal qu'à 80 ans, on commence à vieillir, alors vieillir prématurément veut dire vieillir à 50 ans. Si, comme concept, il a que c'est normal de vieillir à 50 ans, alors vieillir prématurément sera à 30 ans. On ne vieillit pas prématurément, on vieillit ou non, ou on ne vieillit pas. Comment éviter de vieillir, tout court? Pour ne pas vieillir, il faut absolument être capable d'aller puiser de l'énergie vitale, donc de la vie, là où elle se trouve. L'humain le sait. L'humain aime. L'humain aime émotivement et l'humain puise l'énergie vitale là où elle se trouve, dans les autres, dans les choses, dans les fleurs, dans les mémoires. Il puise de l'énergie vitale. La mémoire étant constituée, structurellement parlant, d'énergie vitale, et à l'intérieur de la structure d'énergie vitale, on peut retrouver l'énergie astrale qui est conservée, l'être humain peut donc puiser de la vie dans la mémoire. Puisant de la vie dans la mémoire, il joue avec ses mémoires et il goûte à la vie, qui conserve la mémoire. Comment éviter de vieillir? On ne peut pas décider d'éviter de vieillir. On peut comprendre la mécanicité et l'anti-vieillissement est un symptôme de la conscientisation. Donc, ce n'est pas une chose à rechercher. Plus l'humain se conscientise, plus l'humain comprend. Plus l'humain comprend, plus l'humain s'en égoïse. Plus l'humain s'en égoïse, plus l'humain s'humilise. Lorsque l'humain est tout à fait humble et qu'il est intelligent par le fait qu'il a un corps mental hautement développé, qui lui donne la possibilité d'entrer en contact avec le plan supramental, c'est-à-dire le plan de son esprit, alors automatiquement, l'humain ne vieillit plus. Il peut être régi par la mort physique. Il ne peut plus l'être par la mort psychologique, donc l'être humain devient immortel, en ce sens qu'il ne peut plus pénétrer le monde des morts, comme on l'a vu dans une conférence antérieure. Comment bien vieillir? Si on vieillit automatiquement bien. Pour dire bien vieillir au niveau émotif par rapport à la conceptualisation de l'homme ancien, cela voudrait dire comment accepter le fait que l'on vieillit. Si on accepte le fait que l'on vieillit, on vieillit bien. Si on n'accepte pas le fait que l'on vieillit, on vieillit mal. Et ça ne reste que d'ordre psychologique, le fait de bien vieillir. Toi, tu écris mal, tu lis mal, Récupérer le sommeil, oui. La question, c'est quel est le rôle du sommeil dans la récupération des énergies et du vieillissement? Et aussi, comment réapprendre à dormir? C'est dommage, pareil, que l'humanité soit rendue devoir réapprendre à dormir. Oh, c'est pas drôle, c'est tragique. On doit réapprendre à manger, réapprendre à penser, réapprendre à respirer, réapprendre à marcher, réapprendre à tomber. Allons-y avec le réapprendre. Premièrement, pour réapprendre, il faut oublier. Lorsque l'humain ne veut pas oublier, il ne peut pas réapprendre. L'être humain ne peut pas adorer deux dieux opposés en même temps. Il devra en oublier un pour adorer l'autre. Lorsque l'humain ne sait pas dormir, c'est qu'il y a des mécanismes qui le hantent. Ou il pense sans arrêt, sa tête devient folle. Ou il a peur. Ou il est dans un état où il se met à transpirer. Où il tourne inlassablement parce que son corps lui démange. Et lorsque l'humain reste ce qu'il est, il ne peut pas réapprendre une chose. Il doit oublier. Alors, en oubliant, automatiquement, il se rendort. À l'instant où vous oubliez vos conneries, vous avez automatiquement réappris ce qu'il fallait. Alors, si on veut réapprendre à dormir, on n'apprend rien. On doit apprendre à oublier. Quel est le rôle du sommeil dans la récupération des énergies et du vieillissement? Plus l'être humain devient âgé, moins il a besoin de temps de sommeil. Plus l'être humain est jeune, plus il a besoin de temps de sommeil. Le bébé dort beaucoup. La personne qui se dit vieillard ne dort pas beaucoup. Le problème, c'est que si l'être humain a besoin d'une quantité de temps de sommeil ou une qualité de sommeil, aujourd'hui, lorsque l'ego a suffisamment d'attraction à l'extérieur de lui, il n'a plus besoin du monde astral, donc du monde du rêve ou du monde des morts, pour pouvoir aller s'amuser. L'ego a besoin de savoir qu'il vit. L'ego se fout du corps physique. Vous vous foutez de votre corps physique. La seule fois que vous occupez de votre corps physique, c'est lorsque l'esthétique de celui-ci ne plaît plus à votre ego. C'est lorsque la douleur de celui-ci dérange votre ego. C'est lorsque celui-ci vous rend malheureux. Sinon, on s'en fout. Lorsque l'ego découvre la matière, lorsque l'ego est capable de s'énergiser en écoutant la télévision, en écoutant la musique, en jouant, il s'interdit de dormir. Lorsque l'ego a suffisamment accumulé de problèmes dans la journée pour pouvoir vivre dessus, pour être stimulé, il se couche, le corps se couche, et l'ego ne veut pas dormir. L'ego n'a pas besoin de fuir le corps pour aller se ressourcer dans le monde des morts, pour aller vivre d'autres expériences, parce qu'aujourd'hui, il en vit suffisamment. Plus ça va, moins l'humain est capable de dormir. Mais il a besoin de dormir. Le rôle du sommeil. Le sommeil permet à l'humain de ramasser une quantité majeure d'énergie yin. L'énergie yin est l'énergie terrestre, l'énergie planétarisée. L'énergie yang est l'énergie solaire qui va être atmosphérisée. colorée par le yin terrestre. Lorsque la personne dort la nuit, non seulement l'ego quitte le corps physique dans une extra-conscientisation astrale, donc il cesse d'épuiser l'amour dans le corps physique, normalement, et automatiquement laissant le corps libre, le corps fait ce qu'il peut pour réaccumuler de l'énergie, l'énergie qu'il a perdue. Évidemment, le processus du sommeil permet aussi à l'acide lactique musculaire d'être éliminé par la circulation, ôter la fatigue musculaire. Mais c'est très, très mineur parce que vous n'avez qu'à rester assis à rien faire et ça élimine la fatigue musculaire. Pas la fatigue astrale, psychologique. Lorsque la psychologie quitte le corps physique se ressource. Lorsque la psychologie quittant le corps physique reste en contact avec lui, de façon à pouvoir émotiviser l'expérience qu'elle va vivre lors du rêve, lorsque vous dormez et que votre corps physique semble se battre, lorsqu'il tourne sur lui-même, lorsqu'il se met à transpirer, lorsque vous parlez la nuit, lorsque vous vous mettez à ronfler et arrêter, lorsque votre psychologie continue à s'exprimer par le corps physique, vous allez vous réveiller aussi fatigué, sinon plus, que la veille. Certaines techniques existent. Le sommeil est une technique. Où l'être humain n'a pas besoin nécessairement de faire comme s'il dormait, mais où il est capable de créer une déconnexion entre sa psychologie et son corps endocrinien, donc son corps physique. Et automatiquement, le corps physique saura aller chercher l'énergie qu'il a besoin. Maintenant, sachez une chose, c'est que la qualité de l'énergie vitale trouvée dépend de la maison, dépend de la disposition planétaire du lit, donc de l'être humain qui dort, dépend de la région planétaire où il vit par rapport à lui, dépend de plusieurs choses. Maintenant, si l'être humain est dans une région qui est en affinité avec son corps vital, donc un être humain qui vit dans une région en résonance avec lui, si l'être humain est orienté de façon à ce que l'énergie vitale circule convenablement, parce que si on prend des livres d'acupuncture, on découvre que les méridiens ont certaines heures de plénitude et certaines heures de vide. Et on découvre aussi certaines formes, certaines directions de circulation. Selon les heures où l'on va dormir, il y a des mécanismes planétaires, des méridiens planétaires qui permettent donc la gestion convenable de la circulation d'énergie vitale dans les méridiens du corps physique, permettant une meilleure récupération de l'énergie vitale, donc de sommeil. Le rôle du sommeil est aussi important que le rôle du soleil. Prendre du soleil à l'ombre, c'est aussi bon, sinon meilleur, que d'en prendre au soleil. Mais prendre du soleil habillé à l'ombre ou au soleil est ridicule. Le sommeil, la nuit, c'est la même chose. Je ne peux pas définir tous les mécanismes du sommeil pour l'instant pour la simple raison que la majorité, vous restez dans une ville et ça ferait simplement vous faire vous frustrer de savoir de quelle façon vous êtes mal à manger pour pouvoir dormir. Sachez une chose, c'est que ceux qui dorment avec des appareils électriques en fonction dans la maison se nuisent pour la simple raison que l'énergie électrique traversant les fils engendre un champ électromagnétique qui est similaire à l'énergie vitale et qui, de toute façon, perturbera votre circulation vitale tout au long de la nuit. Cette énergie, elle est suffisamment vitale, proche du vital, pour que dernièrement, on ait inventé des appareils d'électromagnétisme pour amener des cures chez certains individus. On vous couche dans un truc en métal, on branche le courant, ça crée de l'électromagnétisme, ça crée des champs électromagnétiques et ça perturbe d'une façon ou d'une autre votre corps vital. Donc, ça guérit ou ça rend malade. Et le corps vital étant énergisé d'une façon ou d'une autre, la répercussion physique se fait. Et alors là, on a donc la guérison ou encore la pathologie. C'est la même chose pour les fils, les conducteurs qui ne sont pas blindés dans vos maisons. Et dans les constructions d'aujourd'hui, à part dans les usines, les fils ne sont pas blindés. Ouais. Passe à une autre gamme de questions. Tu dis souvent qu'il faut se libérer de son ego. Et ce soir, tu dis « lorsque l'on n'a plus d'ego, on meurt ». Alors quoi faire si on ne veut pas mourir, coiffeur ? Seul votre coiffeur le sait. C'est ce que je pensais. Ce soir, tu dis « lorsque l'on n'a plus d'ego, on meurt ». Eh oui. François aussi a dit que lorsque la graine tombait dans le sol, elle devait mourir si elle voulait naître. Ou elle devait mourir si elle voulait vivre. Alors, évidemment, du point de vue de la graine, mourir pour vivre, c'est complexe parce que si je meurs, je ne vis plus. Mais du point de vue de la tige, meurs, le cave. Je ne peux pas naître si tu ne meurs pas. Vous avez... Bon. Chez vous, il y a la représentation à peu près parfaite, mais inadéquate, déphasée, de tout ce que vous étiez et de tout ce que vous êtes toujours et de tout ce que vous serez. À l'intérieur de ce mimétisme planétaire, à l'intérieur de cette copie, il y a des mécanismes qui vous assujettissent totalement les uns aux autres par différents principes. J'ai déjà longtemps parlé dans d'autres conférences. Les principes que moi j'appelle la conscience collective ou l'astral planétaire ou encore le ciel. Chaque être humain ici, ne sachant plus ce qu'il fait, espère trouver dans quelqu'un d'autre quelqu'un qui saura. Quelqu'un qui saura se rappeler. Quelqu'un qui sera en contact avec d'où je viens. Chacun d'entre vous recherchez votre maison. Elle n'est pas sur la planète Terre. Et vous espérez rencontrer quelqu'un qui vient de la même ville, du même ciel, du même Dieu, de la même philosophie, de la même morale, de la même espoir, du même désir, de la même science ou de la même école. L'ego est l'entité mémorielle. Ce qui est compliqué à expliquer à des égos, c'est ce qu'est l'ego. Étant donné que présentement, ce qui écoute chez vous, dans la grande majorité des cas, est l'ego, si je dis que l'ego est une entité illusoire, constituée de l'agglomération amoureuse de mémoire, et agglomérée d'une façon tellement dense, que l'ego découvre à un moment donné, parce qu'il est capable de savoir qu'il a été, il découvre qu'il est. Découvrant qu'il est parce qu'il a été, il décide d'être. Décidant à d'être, il décide de rester. Donc, il veut vivre. Il ne veut plus mourir. Et il s'identifie à lui. Sauf que l'ego ne peut pas se percevoir lui. Et c'est ce qui rend compliqué le phénomène d'expliquer à l'ego ce qu'est l'ego. L'ego ne peut percevoir son existence que par l'expression qu'il a de lui-même. L'expression qu'il a de lui-même, la transpiration égoïque et l'orgueil. L'orgueil subtil s'exprime par la personnalité, s'exprime par la parole, par le vêtement, par le corps physique qui lentement s'adapte à la psychologie de l'ego, le caractère, le faciès, la démarche, le sommeil, la respiration, les désirs, tout ce qui sera créé. Alors l'ego désire réussir sa vie. L'ego désire réussir quelque chose. L'ego désire être comme les autres. L'ego désire simplement exprimer des choses pour savoir qu'il est là. Si vous oubliez, vous ne pouvez pas savoir égoïquement que vous êtes. Pour la simple raison que vous n'êtes pas. Mais ayant une mémoire, vous pouvez savoir que vous êtes parce que vous vous rappelez que vous avez été une seconde avant. L'être humain égoïque ne peut pas prendre conscience qu'il est instantanément, il ne peut prendre conscience qu'il a été. Parce qu'il ne peut se faire référence qu'à ce qui est reflété dans sa conscience, donc qu'à ses mémoires. Cet ego, donc, ne sait qu'il existe que parce qu'il a un corps physique qu'il peut voir. Il sait qu'il existe que parce qu'il peut souffrir, que parce qu'il peut aimer, que parce qu'il peut avoir peur. Alors il existe. Il croit exister. Il développe alors une conscience osmotique, la pensée. Et par cette pensée, créant l'intellect, il s'imagine devenir intelligent. Mais son intelligence n'est limitée qu'à son expérience, qu'à ses mémoires. Alors son intelligence est intellectuance. Elle est limitée. Cet ego grossit. Grossissant, il crée une structure qui permet l'instauration d'une espèce de hiérarchie vibratoire et non pas psychologique, mentale. Lorsque la structure mentale est suffisamment construite, lorsque la tête de l'homme est construite, la tête peut maintenant être en contact avec une science instantanée, un savoir direct, non expérimenté, quelque peu expérimentable par l'ego, mais qui ne peut être emprisonné par l'ego. Lorsque la tête de l'homme entre en contact avec le savoir instantané, l'ego doit s'effacer. Celui qui perd l'ego avant d'avoir le mental devient un esclave de l'homme, devient un simple d'esprit, mais un simple tout court. Celui qui a un mental et qui par la suite s'en égoïse devient un saint, au-delà des saints. Devient un sage, au-delà des sages. Lorsque l'être humain a un ego et que lorsque l'être humain découvre qu'il a un ego, Lorsque vous savez, sans qu'on vous le dise, que vous avez un plan émotif, que vous vivez des émotions, et lorsque vous savez que certaines émotions vous font chier, lorsque vous savez que certaines émotions vous nuisent, c'est que vous avez un corps mental. Lorsque vous savez que de temps en temps, vous pourriez faire telle chose, mais que vous ne pouvez pas, et ça vous hante, vous avez un corps mental. Lorsque vous avez un corps mental, le travail d'anégoïsation doit commencer. Vous devez commencer à développer l'humilité. L'humilité a un handicap. Ça ne s'apprend pas et ça ne s'enseigne pas. Ça se vit. Parce que l'humilité apprise est une humilité copiée. Donc, une fausse humilité. De l'orgueil, on plagie. Chaque fois que l'ego apprend de l'évolution, il essaie de copier. Chaque fois que l'ego essaie de copier, il parvient à copier en colorant. Alors, il se dit, j'ai atteint tel niveau. L'ego n'est pas une forme évolutive chez l'humain. Ça n'évolue pas de l'ego. Ça pue, mais ça n'évolue pas. Lorsque l'être humain a un mental suffisamment dynamisé pour entrer en contact avec lui-même, un lui-même qui n'a pas besoin de se demander s'il est là, avec un lui-même qui n'a pas besoin de se demander s'il a été là, et avec un lui-même qui ne se demande pas s'il sera là, avec un lui-même authentique, et non pas un lui-même mémorisé, un lui-même expérimenté, expérientiel et expérimental, qui ne sert à rien d'autre que donner de l'expérience à la planète, à la matière, de ce que c'est que de l'esprit. Et l'être humain est cette chose, cette mécanique qui permet à la matière de goûter à l'esprit et à l'esprit de goûter à la matière tout en restant ce qu'ils sont. À ce stade, l'ego doit s'en aller. Lorsque l'ego disparaît à ce stade, il est vitalisé. Donc, l'ego doit finaliser son évolution. Les premières énergies, lorsqu'ils sont densifiées par le temps, se frictionnent l'une l'autre. Ça crée la matière. Lorsque les énergies peuvent être supportées par la matière, ça crée l'orchestration de la matière. Ça crée la création telle qu'on la connaît au niveau de la création de la Terre. Et non pas la création de l'univers. Lorsque la création est là, c'est lorsque la matière devient exprimée. Elle est orchestrée par l'énergie vitale, la vie. Lorsque la même énergie est supportée par la vie, elle s'identifie et elle refuse d'aller plus bas. L'humain, à ce stade, apparaît et l'humain, à ce stade, ne veut pas évoluer. Alors, l'humain reste à ce stade bloquant l'évolution de l'univers, mais essayant de faire sa propre évolution. Tout pour que nous puissions monter, il faut que des choses descendent. L'ego ne veut pas évoluer, l'ego veut s'en sortir à tout prix parce que l'ego découvre la texture de la souffrance, de la peur, des émotions, des mémoires, du rappel. Alors l'ego bloque son évolution et veut repartir. L'évolution de l'homme réel, c'est que cet ego doit poursuivre son évolution pour devenir énergie vitale. Quand l'ego va être démoli, quand l'âme va être capable d'être vitalisée par l'évolution de l'homme, donc l'évolution de l'ego, ça va créer une forme d'implosion à l'intérieur de l'âme et à la place de l'ego, va prendre ce qui va remplir l'âme va être l'énergie mentale. Ouais, c'est bien, c'est suffisant. Donc, lorsque l'être humain entre en contact avec l'énergie supramentale par l'intermédiaire de son mental, il doit s'anégoïser. S'anégoïser, cela veut dire que la personne qui dit « je pense, donc je suis » doit mourir. Tandis que la personne qui dit doit vivre. Donc, l'ego doit mourir pour que l'autre vive. Parce que tant que l'ego est là, l'autre ne peut pas être. Voilà. Les maîtres sont-ils des êtres fusionnés avec Dieu, donc sont-ils immortels? Si oui, ils devraient avoir pour mission de nous aider à nous hisser à leur niveau et nous libérer de la matière. Qu'en pensez-vous? Bon, je n'en pense strictement rien. Maintenant, une chose intéressante. Si oui, ils devraient avoir pour mission. Qui est suffisamment évolué pour ordonner aux maîtres de se faire aider par eux? Pourquoi les maîtres devraient? Pourquoi on a dans la tête que celui qui évolue a comme automatiquement fonction d'aider les autres? C'est ça qu'on a dans la tête. Notre société est constituée comme ça et notre société est en faillite. Parce que ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ne veulent pas travailler, ben c'est normal que ceux qui travaillent les aident. Et à un moment donné, il y a plus de personnes à aider que de personnes qui veulent aider. Ils devraient avoir pour mission de nous aider à nous hisser à leur niveau et nous libérer de la matière. Qu'en pensez-vous? Bon. J'ai déjà fait une conférence intitulée « Les maîtres du monde ». Conférence qui a fait en sorte que les maîtres se sont battus entre eux dans le centre de la Terre. Les maîtres, effectivement, essaient de forcer l'humanité à monter à leur niveau. Et font tout pour forcer l'humain à monter à leur niveau. Et lorsque l'humain est rendu au niveau des maîtres, les maîtres font tout pour le garder à ce niveau, pour le bloquer. Parce que les maîtres savent très bien qu'étant donné les gaffes qu'ils ont faites à un moment donné de leur évolution, même si le résultat a donné l'impression à l'humain ignorant de l'époque que ces personnages étaient presque divins, ces maîtres ont porté le nom de maîtres parce qu'ils maîtrisent, non pas eux, ni leur évolution, mais l'évolution des autres. Le maître et les maîtres du monde savent très bien qu'ils ne peuvent pas entrer en contact avec autre chose que les réservoirs supramentaux qui ont été terrestrifiés, planétarisés. Les maîtres ont donc besoin d'une énergie d'attraction suffisamment puissante pour pouvoir se libérer de la structure sphérique qui les immobilise. Et cette énergie, elle va venir que s'ils peuvent augmenter leur nombre. Augmentant leur nombre, à un moment donné, cela va créer un potentiel attractif suffisamment puissant pour permettre à l'énergie divine et l'énergie supramentale de pouvoir venir les réveiller, les sauver. Mais à un moment donné, il arrive ceci, c'est que certains d'entre vous allez arriver au niveau des maîtres. Et ces maîtres devront rester chez eux parce que vous avez comme fonction de dépasser les maîtres et de vous en aller faire votre chemin. Il n'y a pas un seul humain sur le plan planétaire ou sur le plan, n'importe quel plan spirituel que l'on voudra créer, qui a comme obligation d'aider les autres. Lorsqu'un être humain passe sur une plage, il pile dans un trou d'eau et éclaboussant, il arrose une grenouille qui est en train de sécher au soleil. Il sauve la grenouille. Il la déshydrate. Alors la grenouille invente un culte et elle prie ce sauveur qui est passé à un moment donné dans son monde et qui l'a arrosé. Et elle sait très bien que tous les grands bipèdes ont pour fonction d'arroser les grenouilles. Les grands bipèdes passent. Et le résultat est ce qu'il est. De temps en temps, ça l'aide. De temps en temps, ça nuit. À un moment donné, on va revenir sur cette chose de l'obligation des évolués d'aider les involués. Ça va être intéressant. Faut-il restreindre l'ego chez un enfant et si oui, comment? J'avoue qu'il est plus plaisant d'essayer de restreindre l'ego des autres que le nôtre. J'avoue. Mais comment un ego évolué ou évolutif dans un corps physique peut-il arriver à comprendre la mécanicité qui permettrait la restriction de l'ego d'un autre? Comment celui qui souffre peut-il enseigner à l'autre comment ne pas souffrir? J'ai un ami qui a écrit un livre qui s'intitule « La parentologie », la science d'être parent. Ce livre n'est pas encore sur le marché. Il va sortir sans doute le printemps prochain dans une collection Homme Nouveau, il se trouve. Et je crois qu'il est le temps, c'est le temps, là. Que l'humain commence à découvrir que le fait d'être parent est une science. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aborde de concevoir un enfant nouveau. Et lorsque je veux parler de concevoir un enfant nouveau, je ne veux pas simplement dire le mettre au monde. Je veux aussi parler des parents qui ont déjà un enfant nouveau sur lequel ils s'acharnent pour le transformer en homme ancien. Comment le laisser être ce qu'il est, concevoir un enfant nouveau. Et je vais aussi parler de ce qui est présentement en train de naître chez vous. Et comment faire en sorte de le laisser naître. Comment concevoir un enfant dans la matière, comment concevoir un enfant qui est déjà matérialisé, et comment vous laisser naître vous. Disons ce soir que pour restreindre l'ego de l'enfant, c'est comme restreindre l'ego de n'importe qui. Comment on peut restreindre l'ego? L'ego ne peut pas se connaître lui, sauf s'il s'exprime. Et l'ego ne peut pas connaître l'ego, sauf si l'ego s'exprime. Cela veut dire que vous ne pouvez pas connaître l'ego d'un autre, sauf si celui-ci s'exprime. Si l'ego de votre enfant ne s'exprime plus, vous allez être convaincu qu'il n'a plus d'ego. Et il aura un ego tout à fait renfermé dans le corps physique, un ego qui détruira le corps physique. L'expérience que vous avez menée. L'ego a pour fonction de désirer des choses. Désirant des choses, il vit les résonances avec la réalité. La vivant, il crée l'intellect. Créant l'intellect, il crée le mental. Créant le mental, il s'autodétruit. Restreindre l'ego de l'enfant si votre enfant est mental. Si votre enfant est mental, il restreindra lui-même son ego. Donc, on n'a pas à toucher à l'ego de personne. Jamais. L'homme nouveau, c'est-à-dire en contact avec l'énergie supramentale, choisit-il l'époque de sa mort? Sinon, qu'est-ce qui détermine l'époque et quand doit-elle survenir? C'est une question qui, comme telle, est intéressante, mais qui n'a pas d'importance. L'homme nouveau se suffit à lui-même. L'homme nouveau étant un être qui vit la réalité immédiate et présente, ne peut donc pas envisager la période de sa mort. Lorsque ce sera le temps, ce sera le temps. Et instantanément, il sera mort. Alors, on ne peut pas demander si l'homme nouveau envisage le temps de sa mort. Il disparaîtra aux yeux de l'homme ancien. Il mourra. Apparemment. Quand, ça n'a aucune importance. Est-ce que l'homme nouveau est assujetti à une mortalité qui n'est pas sous son contrôle? L'homme nouveau n'est pas assujetti à quoi que ce soit qui manipule son évolution si on regarde l'évolution du point de vue de l'homme ancien, donc de l'homme planétarisé. Cela veut dire qu'il n'est plus assujetti à la mortalité biologique telle que connue par l'homme ancien, en ce sens qu'il n'est plus premièrement assujetti au vieillissement, et deuxièmement, c'est lui qui va emporter son corps à sa mort plutôt que de laisser son corps au plan terrestre. Il va éthérifier, supramentaliser son corps, en faire un corps de lumière. Il va amener avec lui son corps. Il sera mort, pour l'homme ancien. Il n'est plus assujetti à aucune loi terrestre, à aucune loi céleste, reliée au ciel. Il se régit lui-même, il est son seul maître. Que pensez-vous du livre d'Urantia? Bon, une chose qu'il faudrait peut-être comprendre pour ajuster vos questions, premièrement, lorsque je fais des conférences, je ne pense pas. Alors, cessez de me demander ce que je pense. Parler du livre d'Urantia, oui. Ce que j'en pense, je pense que c'est un livre extrêmement plate. Bon, savoir ce que j'en pense, c'est fait. Maintenant, on peut parler du livre aussi. Premièrement, je ne peux pas suggérer à personne de lire un livre plutôt qu'un autre. Surtout pas un livre écrit comme ce livre, comme cette cosmogonie. L'agonie est l'étude que l'homme fait lorsque l'homme observe un micro-univers évoluant dans un macro-univers. Lorsque l'homme observe l'estomac évoluant dans le corps, il fait de la physiogonie. Lorsque l'homme observe ou étudie ou analyse l'évolution de lui-même ou de l'homme ou de la Terre dans l'univers, il fait de la cosmogonie. Le livre d'Urantia est donc une cosmogonie, l'interprétation planétaire de l'observation d'une entité en relation avec une conscience plus vaste que la conscience normale permise à l'humain, de toute la mécanicité directionnelle, mécanique d'évolution, d'avancement, de déplacement spatio-temporel, du contexte moléculaire atomique, aller jusqu'au contexte des galaxies. La cosmogonie durantielle a donc été écrite par un humain, un psychiatre, un peu plus fou que ses patients. Ce livre est sans doute l'un des rares livres écrits dans ce siècle qui surplombe de haut tous les livres similaires écrits dans les autres siècles. Est-ce que la cosmogonie a plus d'importance que la Bible? Non. La cosmogonie est sans doute le livre similaire à la Bible, au Tao, au Coran, et tous ces trois livres que je viens de nommer s'engueulent et s'astinent l'un l'autre. Mais ce sont des livres qui tendent à expliquer cosmogoniquement ce que fait l'homme ici. Le dernier livre écrit d'envergure est la cosmogonie d'Urantia. Est-ce que la Bible est fiable ou non? Est-ce que le Tao est fiable ou non? Est-ce que la cosmogonie d'Urantia est fiable ou non? Posons-nous la question, est-ce que l'humain qui lit est fiable ou non? Et on aura la réponse pour les livres. Comment avons-nous été créés? Une autre question de cosmogonie. Dans cette question, il y a déjà une réponse conceptuelle, spéculative. Comment avons-nous été créés? Donc, je ne peux pas parler comment on s'est créé. Personne ne veut pas savoir comment il s'est créé, il veut savoir comment il a été créé. Si elle veut savoir comment elle a été créée, cela veut dire que la question est posée par son ego. Parce que l'ego ne s'est pas créé, il a été créé. Mais l'homme réel s'est créé, il n'a pas été créé. Je vais la conserver, on finit les autres, et puis si on a le temps, on va pouvoir embarquer. C'est la dernière. Parfait. De quoi discutez-vous quand vous êtes avec des amis? Bon, ça, c'est une bonne question. C'est intéressant. Faut que je me débranche pour aller savoir. Ça va venir. Bon, on discute de choses et d'autres, hein? Comme vous. L'homme nouveau n'est plus un humain. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau n'a plus d'émotion. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau n'a plus de mémoire. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau ne souffre plus. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau est au-delà du bonheur. C'est ce qui fait peur à l'humain. L'homme nouveau ne se pose plus de questions. Est-ce qui fait peur à l'humain? L'homme nouveau sait. Est-ce qui fait peur à l'humain? Pour la simple raison que l'humain, dans sa conscience émotive et psychologique, vit tout ce que l'homme nouveau vit, adapté à son plan évolué. Autrement dit, humanisé. Lorsque l'humain a un sentiment, il voit une fleur et il a un sentiment, il vibre avec la fleur. Lorsque l'humain aime la fleur, il vient de s'accaparer de la fleur. Alors l'homme nouveau a le sentiment. C'est de l'amour non sélectif intelligent. Il n'est plus humain en ce sens qu'il n'a pas besoin de la fleur. Il peut se contenter que de l'observer. Et il la laisse libre. Lorsque je suis avec des amis, premièrement, j'ai beaucoup d'amis. Ben, on discute exactement comme vous. On joue au ping-pong, on joue au tennis, on se promène, on s'amuse, on a du fun et on ne souffre pas. Ce qui peut être un peu différent. On ne s'engueule pas. On fait une vie comme tous les humains vivent, sans les problèmes reliés à la vie de l'humain. C'était la dernière question. Tu en as une? Moi, j'aurais aimé, si on a le temps, revenir à... Revenons. À la fin de la première partie, où il était question de sortir de l'identification avec les éléments terre, air et eau pour commencer à redécouvrir l'esprit ou la dimension de la lumière. Là. Donc, le problème d'identification avec ce qui est temporel et avec ce qui est intemporel. Bon, pose une question peut-être plus claire. Par quel processus l'homme doit passer afin de se désengager de son identification avec la matière, avec les illusions du plan physique? Première chose, c'est que l'homme doit découvrir que le plan physique est effectivement constitué d'illusions. Deuxièmement, il doit ajuster sa découverte en ce sens que la matière n'est pas illusion, par contre la perception qu'il a de la matière est une illusion. Donc, l'homme doit prendre conscience que ce qu'il perçoit n'est pas la chose perçue. L'homme doit donc prendre conscience que ce qu'il peut entrevoir chez lui de l'extérieur n'est jamais en résonance parfaite avec l'extérieur, donc qu'il y a coloration. La coloration, elle est due au temps et au transport, donc au déplacement de la matière par le temps. Cela veut dire que l'homme ayant différents sens, l'homme peut percevoir la matière par un sens et il ne la connaît pas. Il peut la percevoir par un autre sens et il en connaît un autre domaine, mais il ne connaît pas la chose. Il peut la percevoir par un autre sens et il ne connaît pas non plus ce qu'il voit. J'ai déjà expliqué, je réexplique brièvement pour ceux qui n'étaient pas là. La lumière, ce sont des photons. Elle se déplace approximativement à 300 000 km à la seconde, ce qui donne l'impression, dans des faibles distances, d'instantanéité. Je regarde le verre. Le verre, pour moi, est sans doute ce qu'il est pour vous. Sauf que je ne sais pas s'il est ce qu'il est pour vous. Moi, je le vois rond. Mais de quelle façon le voyez-vous? Tout ce que je sais, c'est que la façon que moi je vois rond, j'ai appris à appeler ça rond. Mais si vous, vous voyez ça comme ça et que vous avez appelé ça rond, on vous a instruit, quand on vous a montré la chose, que c'était rond. Lorsque vous voyez la chose, vous dites c'est rond. On est tous d'accord pour dire que le verre est rond. Mais rond veut définir quelle forme? Ça, on ne peut pas le savoir. Nous pouvons dire ce papier est vert. Mais si la première fois que vous avez vu cette couleur et qu'on vous a dit c'était vert, voyant cette couleur, vous dites c'est vert. Moi, je vois la même papier que vous, mais je le vois cette couleur et j'ai aussi appris c'est vert. Alors, on voit tous du vert. Mais on voit, est-ce qu'on voit la même chose? Ça, pas nécessairement. Cela veut simplement dire que entre mon œil et mon cerveau, il y a un nerf, le nerf optique. La couleur ou la forme du verre est prise par la lumière. Elle est transformée en photons. Alors, ce n'est plus la chose. Les photons parviennent à mon œil, transformés en impulsion électrique. Alors, ce n'est même plus de la lumière. Et ce n'est donc encore moins que la chose que je vois. Le long de mon nerf optique, cette énergie neuronique, cette énergie électrique, nerveuse, vient jusqu'à mon cerveau. Et là, elle va être retransformée en énergie. En ce que j'ai vu et ce que je crois voir, il y a le monde. La matière, elle est authentique et réelle. Ce que j'en perçois est faux. Je perçois ce verre solide. Les scientifiques sont tous d'accord pour le dire. Ce ne peut pas être solide. Ça vibre. Il y a des atomes, des électrons autour et ça vibre. Ce verre est totalement et continuellement en mouvement. Un mouvement que je ne peux percevoir par mes sens. Alors, je décide et je pense que le verre est solide, immuable, sans mouvement. C'est faux. Je regarde le ciel. Regardant le ciel, je vois des étoiles. La majorité des étoiles que je vois n'existent plus aujourd'hui. Mais la lumière qu'elles ont émise il y a 2 millions d'années va traverser l'univers pendant 2 millions d'années et frapper ma rétine pendant 2 millions d'années. Et l'étoile n'existe plus. Ce qui fait que lorsque l'être humain conscientise le fait que la matière est une authenticité, lui perçoit c'est une authenticité, mais ce qui est perçu n'est pas en résonance avec la chose. Alors là, l'homme découvre l'illusion. Découvrant l'illusion, automatiquement, lorsqu'il ne l'a pas appris, mais lorsqu'il a compris, il vibre sur un autre schéma vibratoire qu'il déjà le désassujettit de l'illusion matérielle. On parle de la terre, de l'air et de l'eau. Pour symboliser, évidemment. Parce qu'il n'y a pas que la terre, l'air et l'eau. Lorsque l'on parle de l'eau, on parle des liquides. Lorsque l'on parle de l'air, on parle des gaz. Lorsque l'on parle de la terre, on parle des solides. Au-delà, il y aurait le feu. Et certains mettent au-delà l'éther. Lorsque l'humain perçoit convenablement que les choses matérielles sont perçues par lui et ne sont pas ce qu'elles sont, Il perçoit donc une distance entre la chose et lui. Il sait donc qu'il n'est pas la chose parce que percevant la distance par le fait qu'il y a coloration, donc transport. Étant donné qu'il y a transport, il y a automatiquement coloration parce qu'il y a friction entre le temps et la matière. Lorsque l'humain perçoit cela, lorsque l'humain cellularise cette chose, cet état d'être, il sait automatiquement, il est déjà automatiquement à l'échelle du feu. C'est-à-dire que percevant le fait qu'il y a une distance, il est déjà en train de se désachetir du temps. Il va donc développer chez lui une mécanique qui va lui permettre de pouvoir connaître la matière sans temps. Cela veut dire fusionner avec la chose. Être en état d'observation, mais pas en état d'observation par le corps d'un objet, mais être en état de vie de l'objet. Il y a donc fusion énergétique entre la chose et la personne qui observe. Il y a donc disparition de la chose observée et de la personne qui observe. Lorsqu'il y a disparition des deux, fusion, il y a vie. Alors l'être humain sait la chose, comme aucun être humain ne peut savoir la chose. Les humains peuvent connaître la chose, ne peuvent pas savoir la chose. L'humain est au niveau du feu. Initiation solaire, initiation par l'esprit. Tu as scribouillé. Donc, ce qu'il supprime, en fait, c'est la conscience réflective. Oui. L'espace, le temps entre la chose observée et puis lui-même. Donc, il n'y a plus de conscience réflective, ça devient une espèce de conscience intégrale. Sa conscience devient suffisamment étendue qu'elle peut englober la chose à observer. Donc, la chose fait maintenant partie intégrale de lui. C'est l'amour cosmique, c'est l'amour intelligent. Donc, il n'a plus besoin de le mémoriser. Ça ne peut pas être émotivé, il n'y a pas de peur, il n'y a rien, c'est englobé. Quand ça part, automatiquement, tu englobes d'autres choses, ce qui fait qu'il n'y a jamais de perte d'amour, de peur de perdre. La conscience devient une conscience qui n'est pas nécessairement globale à l'étape du feu, mais une conscience qui est beaucoup plus volumétrique. Bon, ça, c'est un résultat, peut-être un effet, mais la cause, le processus dans le quotidien, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec son propre esprit? Bon. À travers la désidentification. Premièrement, on ne prend pas contact avec son esprit. L'esprit va prendre contact avec l'humain. Maintenant, comment être préparé de façon à ce qu'on puisse être une potentialité de contact? Parce que c'est important de le dire, parce que l'humain qui veut entrer en contact n'est pas prêt. Alors, ça ne sert à rien de vouloir entrer en contact, on n'entre pas en contact, ça va entrer en contact. Toi, intelligent, tu vas savoir quand toi, cave, t'es correct. Bon. Mais toi, cave, tu ne sauras pas quand toi, cave, t'es correct. Bon. Voilà. Alors, ce qui arrive, c'est que, premièrement, l'humain doit apprendre à goûter. L'humain, on a parlé souvent du discernement. Le discernement, c'est un phénomène gustatif. L'humain doit apprendre à goûter, pas avec la langue, mais à goûter, à sentir, mais à pressentir, une espèce de goût. Il doit être capable de goûter ou de sentir l'odeur ou de goûter la saveur des plans mémoriels du monde des morts, des plans de la vie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humains sur la planète qui sont capables de goûter la vie? Pas beaucoup. Ils sont capables de goûter ce qu'ils ont vécu. Un peu comme tu prends quelque chose, tu le manges, tu l'avales. Ça a goûté quoi? Il faut que tu... Là, tu goûtes, mais c'est mémoriel. Tu dois influencer tes papilles de façon à ce que celle-ci amène l'influx à ton cerveau. Ce que ton cerveau goûte n'est plus ce qui se trouve sur la papille parce qu'il y a la distance entre les deux, donc le temps. Tu goûtes le passé. Lorsque la personne vit simplement, normalement, et qu'elle, de prime abord, pour le processus pour arriver à cette gustation supramentale ou espritisée, la personne doit simplement goûter à ce qui est facile à goûter, donc à elle. L'humain doit goûter à lui. Mais normalement, l'humain, il dit « yark » quand il se goûte. Mais il est qui, lui, celui-là, c'est qui? Puisqu'il n'y a pas l'ego, il n'y a pas la personnalité, il n'y a pas sa mémoire, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le produit de la société, tout ça, de son conditionnement. Il est qui, finalement? Comment est-ce qu'il va se trouver, se découvrir? Bon, il va simplement se découvrir lorsqu'à force de vouloir se goûter, il va goûter l'ego. À force de vouloir goûter l'ego, il va simplement découvrir que l'odeur ou le goût de l'ego n'est pas en résonance avec lui. Alors lentement, l'humain ne sait pas qu'il est deux. Mais lentement, l'humain, c'est simplement qu'il y a un maudit problème chez lui. Alors l'humain finit par avoir une légifération sur sa vie, il la rend logique. Il voit des mécanismes qui ne vont pas. Et au fur et à mesure que l'humain fait juste prendre conscience, observer, La seule façon à l'humain de pouvoir travailler sur son évolution, c'est juste de cesser de vouloir évoluer. Cessant de vouloir évoluer, je parle sur tous les plans, cela veut dire juste observer. Si l'humain est capable juste d'observer, automatiquement, il goûte. Maintenant, on ne peut pas observer comme ça. Celui qui n'a pas de corps mental ne peut pas observer. Alors, si je dis à quelqu'un, observe simplement que présentement, tu as peur. Regarde, dans le séminaire PMC, ce que je fais souvent, je demande aux personnes, ce que tu fais, est-ce que tu trouves ça intelligent? La personne va dire, oui. Je dis, oui, alors moi, je dis, tu trouves ça intelligent parce que tu le fais. Oui. Bon, mais c'est pas ça que je veux savoir. Là, c'est l'ego qui parle. Est-ce que tu trouves intelligent le fait de faire telle chose? Bon, elle vient à un moment donné, parce que l'énergie monte, la personne va dire, non, c'est pas intelligent. Alors, je lui pose la question fatidique, est-ce que tu es intelligent? Et normalement, vu que dans un séminaire, la personne, elle monte en vibration, normalement, elle répond, oui, je suis intelligent. Alors, je précise, tu es intelligent et ce que tu fais n'est pas intelligent. Et lorsque la personne peut dire oui, mais vibratoirement savoir ce qui se passe, ben elle vient de passer au niveau de l'esprit, du feu. À un minime niveau. Bon, d'une quantité très, très minime, mais elle commence. Donc, il y a automatiquement un discernement. Alors là, je peux commencer à parler avec la personne, mais non pas parler à son ego, parler à son corps mental. Parler à l'autre personne chez elle. Parce que maintenant, on peut communiquer entre êtres intelligents. Alors, je vais dire, tu es donc capable d'entrevoir que ce que tu fais n'est pas intelligent, mais que toi, tu es intelligent. La personne peut répondre oui, parce que vu que je vois que ce que je fais n'est pas intelligent, c'est que je suis intelligent. Effectivement, il n'y a pas un mot d'ego sur la planète qui peut être capable de voir que ce qu'il fait lui est cave. Non, l'ego est orgueilleux. Tout ce que l'ego fait, c'est bon. Mais lorsque l'humain est capable de dire ce que je fais est stupide, mais moi je ne le suis pas, il y a deux choses. Ce que ton ego exprime est cave, mais toi le mental qui l'observe, tu n'es pas cave. Parce que toi, si tu aurais le contrôle total sur toi, tu ne le ferais pas. Donc là, il y a déjà discernement. On commence le travail. Mais là, je ne ferai pas le travail du séminaire ici, parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Mais le travail commence et lentement, la personne finit par de plus en plus goûter à ce que c'est le mental chez elle et à ce que c'est l'ego chez elle. Mais dans la vie, c'est un peu la même chose. Ça peut prendre un laps de temps plus ou moins long. Tout ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, la vie finisse par obliger le mental à juste observer ce qu'on vient de faire et cave et à ne pas en souffrir. Une chose importante. Tu observes que ce que tu viens de faire est stupide. Tu te sens coupable, donc tu te crois stupide. C'est l'ego. Tu observes que ce que tu viens de faire est stupide. Tu vas faire mieux la prochaine fois et tu n'en souffres pas. C'est le mental qui vient d'observer. Et il vient un temps où le mental va dire « Qu'est-ce que j'ai? Je sais que... » Puis je fais toujours l'inverse. C'est ça. Tu sais que et tu ne fais pas l'inverse. Tu n'as pas le contrôle. L'ego fait l'inverse. Et l'ego ne sait pas. Lorsque l'humain vit ça, et ça c'est une phase qui se vit, bon, avec la société qu'on a, ça se vit très bien. On a une société mentale, alors à un moment donné, il ne veut pas, ça sort. Sauf que l'humain prend un laps de temps relativement long avant de discerner. Donc le mental ne s'identifie pas, le mental ne se personnalise pas immédiatement, ce qui fait que pendant de longtemps, l'ego est convaincu que c'est lui qui pense, intelligemment, qui logifère la vie. Mais à un moment donné, l'ego se fait carrément dire, c'est-à-dire, vous avez comme une émotion et l'émotion disparaît. Premier contact avec le discernement mental. Tu viens de te faire fourrer. Tu es malheureux ou tu pleures parce que tu es triste et soudainement on dirait que tu pleures, mais on dirait que le pleur s'en va. Puis d'un coup tu pleures, mais tu pleures plus toi. Puis d'un coup tu arrêtes de pleurer, puis tu vois, puis c'est correct. Là, le mental commence à prendre le contrôle. Puis à un moment donné, les mémoires reviennent, puis là tu repars à broyer. Puis à un moment donné, tu sais encore, on dirait que tu t'épuises. Oui, l'ego perd le contrôle du corps, le mental le prend. Alors à un moment donné, on dirait que tout revient. Tu vois tout ce qui s'est passé, mais tu ne pleures plus. Puis à un moment donné, le voyant, le mental repart. L'ego revient, tu recommences à brailler. C'est la même chose au niveau de toutes les émotions. Lorsque l'être humain transitif découvre qu'il est transitif, ben évidemment, la société le culpabilise, il est anormal. Il découvre simplement qu'à un moment donné, ce qui se vit... Se vit, ne se vit plus. L'émotion vient, l'émotion part, mais aucun contrôle. Ça vient, ça part. Ça, c'est un phénomène encore qui se fait. Observer, c'est quoi observer? C'est juste laisser la chance au mental de pouvoir juste s'exprimer. Maintenant, l'ego qui ne comprend pas ce qu'est s'observer, l'ego ne peut pas comprendre ce qu'est s'observer. Mais à force de le vibrer, de temps en temps, le mental vient observer et instruit l'ego. Et l'ego, bon, fini là. Mais à un moment donné, si on parle d'observer, ça peut donner une résonance vibratoire au niveau du mental. Et là, il vient de comprendre la clé. Alors là, le mental peut instruire l'ego, c'est que si toi, le câble, tu t'observes, tu vas souffrir moins. C'est les bonbons, les carottes, j'en donne souvent en conférence. Alors automatiquement, l'ego se dit « bon, ben, je vais m'observer, moi, souffrir moins. » Alors l'ego se met en état d'observation et c'est le mental qui observe, alors l'ego se fait avoir. Et là, lentement, l'humain évolue effectivement vers la non-souffrance. Mais c'est pas l'ego. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de toi qui ne penses pas, qu'est-ce que tu dirais de... Je l'ai dit. Qu'est-ce que tu dirais de Krishnamurti, par exemple, qui lui disait qu'on ne peut pas connaître l'amour, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître l'esprit que par la négation de ce qu'il est. Autrement dit, si je veux savoir ce qu'est l'amour, il faut que je commence par définir ce qu'il n'est pas. Même chose pour Dieu, la même chose pour l'esprit, la même chose pour l'authenticité, le bonheur, tout ce qu'on voudra. C'est tout à fait vrai comme principe, sauf que ça ne va permettre qu'à l'intellect de découvrir la chose. Mais l'intellect, par la suite, s'il est suffisamment énergisé, pourra peut-être informer l'ego de la chose. Ce qui peut arriver normalement, cela peut créer aussi un immense choc chez l'ego. Donc, sauf que ce n'est pas une mécanique qui permet nécessairement l'évolution facile de l'humain vers la transition vers l'homme nouveau. C'est-à-dire que si je dis, bon, qu'est-ce que Dieu? Si je dis Dieu, c'est l'univers, Dieu, c'est une énergie puissante, Dieu, c'est ceci, ça devient facile. Qu'est-ce que n'est pas Dieu? L'humain normal va y aller immédiatement, mais il ne voudra pas faire la recherche de l'intellect. Il va dire, ben Dieu, Dieu vu Dieu et tout, Dieu, tout ce qui n'est rien n'est pas Dieu. Mais s'il veut y aller intellectuellement, il va commencer par dire, est-ce que le verre est Dieu? Oui, c'est pas ça que je recherche. Et il va pouvoir commencer à fonctionner comme ça. Mais c'est une mécanique qui est intellectuelle, elle est bonne, le truc est bon. Pour pouvoir peut-être instruire l'ego par l'intellect. Sauf que ce qui peut arriver, c'est que l'ego va devenir suffisamment satisfait de la recherche de l'intellect à le sécuriser par des réponses, que l'ego peut finir par laisser l'intellect juste faire ce qu'il a à faire, en le contrôlant un peu, donc en lui fermant certains horizons de la connaissance ou du savoir, et lentement, l'ego peut finir par développer non pas une énergie supramentale chez lui, mais une énergie hypermentale. Donc, un intellect massif, majeur. Un intellect qui va permettre à l'ego de jouir de la science. Ça devient un peu de la philosophie. OK. Alors, est-ce qu'il existe, puisqu'on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre l'univers dans lequel on vit ou se comprendre soi-même, est-ce qu'il existe une façon d'expérimenter la vie qui débouche sur du discernement? Y aurait-il une façon de faire des expériences qui seraient positives? Bon, les expériences sont toutes positives. Mais disons une expérience qui va plus en affinité avec la recherche de l'ego. C'est ce que l'ego appellerait une expérience positive pour lui. Comment l'ego peut-il s'apercevoir qu'il est tombé dans un piège, en fait, ou dans une illusion, dans une expérience? L'ego est structuré de plusieurs façons. L'ego, il est pluralitaire. Il y a une partie mémorisée de colère, une partie mémorisée de peine, une partie mémorisée d'angoisse, une partie mémorisée de jouissance. Alors, l'ego est toujours dans le trou. Si l'ego est en colère, la partie de colère, elle est ravie. Mais la partie qui ne veut pas vivre la colère, elle vient se rendre compte, elle vient se fourrer. J'expliquais à un moment donné que tu viens, tu fais du pouce sur le bord de la rue. Et là, il y a quelqu'un qui arrête. T'es tout content. Tu rentres dans l'auto, le gars est chaud. Là, la partie contente, elle se fait fourrer. Mais pourquoi tu sors pas du char? Parce que la partie qui aime souffrir, est tout contente. Alors là, t'embarques avec le gars, puis là, tu t'en vas. Puis là, ça marche. Pourquoi tu sors pas? Parce qu'il y a une partie chez toi qui est contente, pendant qu'il y a une partie qui souffre. Lorsqu'à un moment donné, tu as suffisamment expérimenté, la partie suffisamment nourrie, l'autre lutte. La partie qui veut sortir lutte, mais la partie qui veut rester gagne. Et on voit ça dans bien des cas, où une personne est dans la misère, où elle souffre et elle reste dedans. Ben oui, parce qu'il y a une partie de son ego qui aime ça. Ça fait son affaire, comme il dit. Ça fait l'affaire de la partie qui vit, qui mémorise ce genre d'émotion. Mais ça fait pas l'affaire de l'autre partie qui mémorise d'autres choses. Pourquoi l'humain, lorsque l'humain, je parle de l'homme nouveau, l'homme nouveau est au-delà du bonheur. Disons, pour mieux comprendre, l'homme nouveau est toujours heureux. Qu'est-ce que l'homme ancien répond? Il va être plate en maudit. Ben oui, mais c'est la partie d'en bas qui trouve ça plate parce qu'elle ne pourra plus être nourrie. C'est la partie de guerre, la partie violente, la partie d'en bas de l'ego qui, elle, répond. Ça doit être plate en vache. Mais dites, l'homme nouveau est toujours en guerre. Même réponse, ça doit être plate en vache. C'est la partie en haut qui répond. L'ego, il est pluralitaire. Tant qu'il n'y a pas fusion de l'ego, alors il peut pas y avoir, l'ego est toujours dans le trou. Alors comment l'ego se rend-il compte qu'il s'est fait avoir? Il s'est toujours fait avoir. C'est pour ça que l'homme veut du changement tout le temps. Faut que déménager, changer les meubles, voir de nouvelles vues, une vue d'horreur de temps en temps, ça nuit pas. Mais non, ça nourrit la partie d'en bas. Fait que t'as laisse tranquille, après ça, te laisse en paix. Pourquoi l'homme a besoin d'une bonne touffe de temps en temps, une bonne... Il a toujours besoin d'un peu de merde de temps en temps, parce que ça fait ça nuit pas. Parce que c'est l'ego qui recherche. Bref, la semaine prochaine, si vous voulez savoir comment vous concevoir, ou comment concevoir un enfant nouveau, ou comment concevoir l'enfant qui est déjà là, vous êtes bienvenus, concevoir un enfant nouveau. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup.